franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une aventure à plus de 4000 mètres d'altitude, en effet, pour l'une des plus grandes tragédies de montagne. Cet épisode que l'histoire retient sous le nom d'Affaire Vincent Don-Henri, c'est l'histoire de deux jeunes alpinistes partis à l'assaut du Mont Blanc, plein cœur de l'hiver 1956. Leur objectif ? Faire parler d'eux, oui, impressionner les copains, et s'asseoir sur le plus haut sommet d'Europe pour y fêter Noël. L'aventure était un peu folle, mais ils s'étaient préparés pendant de longs mois. Et bien sûr, ils connaissaient les risques. Mais pouvaient-ils imaginer ce qui les attendait vraiment ? Pouvaient-ils imaginer qu'ils allaient se perdre et vivre un tel calvaire, suivi à la jumelle depuis Chamonix, où l'organisation des secours allait s'enliser dans d'interminables tergiversations ? En cette période de Noël de l'année 1956, les jours passent et l'attente pour les familles devient insupportable. Dans la presse, une seule question revient avec insistance. Réussira-t-on à sauver les deux jeunes alpinistes ? Notre invité aujourd'hui que nous entendrons après le récit, c'est Yves Balu, écrivain et historien. Sa passion pour l'alpinisme l'a conduit à enquêter pendant 2 ans et à rassembler une documentation exceptionnelle autour de cette affaire. Il en a écrit un ouvrage de référence intitulé « Naufrage au Mont Blanc » qui sera réédité au printemps prochain aux éditions Guérin. Yves Balu a pu rencontrer de nombreux protagonistes de cette affaire, guides, sauveteurs, pilotes. Il nous racontera. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien de documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, Aurélien Labruyère et Eric Oswald, réalisation Fabrice Slegle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La gendarmerie de Chamonix, j'écoute. Bonjour, je vous appelle car je crois que deux de mes amis ont un problème là-haut, en montagne. D'abord, donnez-moi votre nom. Dufourmentel, en un seul mot. Prénom ? Claude. Âge ? 23 ans. Bon, alors, dites-moi ce qui est arrivé à vos amis et quels sont leurs noms ? Le premier s'appelle Jean-Vincent Don. Il a 24 ans, il habite Paris. Sa profession ? Étudiant. Et il était avec qui, ce Jean-Vincent Don ? Avec son ami François-Henri. Il a 22 ans, il est étudiant lui aussi. Il est belge, il habite à Bruxelles. Quand sont-ils partis ? Samedi 22 décembre à 8h. Ils étaient seuls ? Oui, je crois, et ils sont montés à l'Aiguille du Midi. À pied ? Non, par le téléphérique. Ils voulaient faire le Mont Blanc par la voie de l'éperon de la Brenva. Normalement, il faut 2 jours, peut-être 3. Mais là, ça fait 5 jours, et ils ont certainement besoin d'aide. Avez-vous une idée de là où ils se trouvent ? Non, je connais seulement leur itinéraire. D'abord, ils devaient monter à l'Aiguille du Midi, puis traverser la Vallée Blanche, ensuite passer au refuge de la Fourche. Et après, ils devaient passer par l'éperon de la Brenva, ce qui leur permettait d'arriver directement au sommet du Mont Blanc. Pour redescendre, ils devaient passer par le Goûter, à moins qu'ils soient allés directement au Grand Mulet. Mais vous ont-ils adressé des signaux ? Est-ce que quelqu'un les a repérés depuis ? Non, enfin, à ma connaissance, personne n'a rien vu. Ils peuvent avoir été tout simplement retardés, à moins qu'ils n'aient fait une chute. Difficile à dire. Il faudrait savoir où les chercher. Je vais prévenir la société Chamoniard de secours en montagne. Ce sont eux qui sont compétents pour une affaire comme celle-là, mais je ne vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Vous savez, habituellement, il n'y a pas de secours en montagne pendant l'hiver, enfin... Je vous en prie, il faut faire vite. Chamonix, mercredi 26 décembre 1956. Depuis le milieu de la journée, une information circule dans le village. Là-bas, à quelques kilomètres à peine, quelque part dans la montagne, deux jeunes hommes, Jean-Vincent Don et François-Henri, seraient en difficulté, peut-être même blessés, peut-être perdus. Personne n'en sait davantage. Alertée par les gendarmes, la société Chamonière de secours en montagne, seule habilitée à organiser des opérations de sauvetage en haute altitude à l'époque, refuse d'intervenir car nous sommes en hiver. Et à cette période de l'année, aucun dispositif n'est prévu pour mobiliser des hommes et du matériel. On se tourne alors vers la compagnie des guides de Chamonix, mais là encore, fin de non-recevoir. Dans la tête de Claude Dufourmentel, l'ami des deux alpinistes, celui qui a appelé les gendarmes, l'idée serait d'envoyer une caravane terrestre, autrement dit une équipe de plusieurs grimpeurs avec du matériel de secours, pour partir à la rencontre des deux alpinistes et les ramener s'ils sont blessés ou bloqués là-haut. Une idée inconcevable pour le président de la compagnie des guides de Chamonix, Camille Gournier. En plein cœur de l'hiver, les journées sont courtes, les nuits sont froides et les chutes de neige très importantes. Avec le mauvais temps et le danger d'une avalanche, le risque est bien trop grand pour envoyer une cordée de secouristes. Alors on pense à demander à l'aérodrome du Fayet l'envoi d'un avion pour un vol de reconnaissance. Malheureusement, cette matinée, la piste de décollage est recouverte par une épaisse couche de neige et le plafond nuageux est très bas. Donc, impossible de décoller, décidément. Après plusieurs heures d'attente, la colère l'emporte sur l'inquiétude et elle s'empare de Claude Dufour-Montel, scandalisé par la dérobade de tous ceux qui, selon lui, pourraient faire quelque chose. Le jeune alpiniste se résout à appeler ses parents pour qu'ils préviennent à leur tour ceux de Jean et François. Car si quelque chose de grave est arrivé là-haut, ils doivent savoir, il faut les rassurer. Qui plus est, si l'attente doit se prolonger, ils doivent être là, à Chamonix, au plus près. Oh bien sûr, il est possible que Jean et François se soient tout simplement égarés. Oui, qu'ils soient quelque part là-haut, dans un refuge, ou même redescendus dans la vallée, ou même du côté italien. Et peut-être que lui, Claude Dufour-Montel, s'inquiète pour rien. Mais il veut en avoir le cœur net. Il réunit donc ses amis le soir même, ceux qui grimpent, ceux qui connaissent Jean et François. Ensemble, ils préparent des paquetages pour partir le lendemain ou le surlendemain pour tenter de les retrouver. Le lendemain, jeudi 27 décembre, la presse annonce la disparition des deux alpinistes. Le correspondant du Dauphiné Libéré signe un premier article au titre sans équivoque. Noël tragique au Mont-Blanc, sans nouvelles de trois cordées qui tentaient l'ascension par l'éperon de la Brenva. Trois cordées. En réalité, on découvre vite qu'elles ne sont que deux. Claude Dufour-Montel en est maintenant certain, il faut aller là-haut pour les aider, sans attendre. Dans la matinée, il se met en route avec un ami. Pour les médias, l'affaire est sérieuse. On dépêche sur place de nombreux journalistes. Parmi eux, Roland Dordain, de la radiodiffusion télé-française, la RTF, l'ancêtre de France Inter et de l'ORTF. Présent à Chamonix, il rencontre Jean Franco, un célèbre guide et alpiniste. À la question, Vincent Don et Henri ont-ils été irresponsables de partir en montagne à cette saison? Celui-ci répond. À mon avis, non. N'est-ce pas? Je dois le nuancer cependant ce non. Si vous voulez, la conception même d'une course hivernale n'est pas condamnable en soi. À mon avis, c'est un alpiniste qui parle. Oui. Et il est certain que condamner l'alpinisme hivernal, ce serait condamner l'alpinisme lui-même. Bien sûr. L'alpinisme, depuis plusieurs dizaines d'années, s'est propagé dans la voie de la difficulté. Les alpinistes recherchent toujours à faire des courses plus difficiles. Faire de l'alpinisme hivernal, c'est-à-dire pratiquer la montagne au moment où elle est encore plus difficile qu'en été, ou plus dangereuse, il n'y a qu'un pas à franchir, ça va de soi. Dans la vallée, tous les regards se tournent vers la Société Chamonnière de Secours en Montagne. À sa tête, le docteur Pierre d'Artigues, un homme respecté dans le milieu, mais qui se retrouve dans la position d'un général sans armée. Car si sa société de secours dispose d'une solide expérience dans les interventions en montagne, son système n'est pas dimensionné pour l'hiver. D'ailleurs, ses guides ne sont pas disponibles, ils travaillent pour leur compte. Certains donnent des cours de ski, d'autres proposent des sorties aux vacanciers. Difficile de leur demander d'aller prendre des risques pour récupérer là-haut deux jeunes alpinistes inconscients. Alors, que doit-il faire, le docteur Lartigue? Une idée lui traverse l'esprit, l'hélicoptère. En envoyer un ou deux pour repérer les deux naufragés et leur envoyer des vivres, ou peut-être même les récupérer dans la foulée, qui sait? Dans l'après-midi, on met donc à disposition un appareil de type Sikorsky. On organise dans la foulée une première mission de recherche aérienne. Mais en ce 27 décembre, le temps est médiocre. Le brouillard rend difficile l'observation des détails et du relief. Après 50 minutes de vol, l'engin revient à la base. Ses pilotes déclarent n'avoir aperçu aucun alpiniste, non, pas la moindre trace d'une cordée sur les chemins habituels. La nouvelle, qui se répand vite, est dramatique. Beaucoup penchent alors pour le pire scénario. Et si Vincent Don et Henri avaient été emportés par une avalanche ou tombés au fond d'une crevasse? À Chamonix, l'inquiétude redouble chez les proches et les amis des deux jeunes alpinistes. Mais dans l'heure qui suit, la gendarmerie déclare avoir repéré deux alpinistes en difficulté depuis un poste d'observation situé au Prévent. L'élément est mince, mais il est synonyme d'espoir. Ces deux hommes pourraient être Jean-Vincent Don et François-Henri. Bien, Mais s'ils sont toujours en vie, résisteront-ils à une nouvelle nuit dans le froid? Car là-haut, à plus de 4000 mètres d'altitude, les températures descendent facilement à moins 30 degrés. Au même moment, dans la vallée, les gendarmes tentent de reconstituer le périple des deux jeunes alpinistes depuis leur départ il y a 5 jours, afin de les localiser. Les dernières personnes à les avoir croisées sont deux employés du téléphérique. Ils affirment que le 22 décembre, Vincent Don et Henri étaient en pleine forme et que la météo était excellente lorsqu'ils sont partis vers l'éperon de la Brenva. Un autre témoignage, celui d'un guide, confirme que 3 jours plus tard, le 25 décembre, il a vu 2 cordées progresser très rapidement sur l'éperon. S'agissait-il de celle de Jean et Vincent? De leur côté, les parents Vincent Don arrivent à Chamonix. Très vite, ils font face à des informations parfois contradictoires et ils ressentent aussi toute l'inertie et le manque de coordination des secours. Après plusieurs heures d'attente, la colère les gagne lorsqu'on leur explique que Claude Dufour-Montel, l'ami de leur fils, est parti vers le refuge du Goûter pour tenter de croiser leur chemin et de les ramener. Les parents de Jean-Vincent Don, d'ordinaire si calme, s'insurgent. Enfin, si 2 jeunes sont partis les chercher, pourquoi les guides, eux, ne font-ils rien? Pourquoi personne ne veut aller là-haut? Une question qui restera sans réponse. Le lendemain, vendredi 28 décembre, l'affaire Vincent Don-Henri s'affiche désormais en une de l'actualité et elle passionne la France entière. Sur place, à Chamonix, les hôtels sont pris d'assaut par des dizaines de journalistes arrivés de Paris, Lyon, Grenoble et même de l'étranger. Les reporters photographes s'agglutinent devant l'hôtel des parents de Jean-Vincent Don. À chaque fois qu'ils sortent pour se rendre à la gendarmerie ou rencontrer des amis, on les harcèle de questions, on cherche à obtenir un détail, une photo. Un peu plus loin, à l'écart de toute cette agitation, l'un des reporters de la RTF croise Robert Gzverev, l'un des meilleurs amis de Jean-Vincent Don. Il l'interroge pour tenter d'en savoir un peu plus sur la personnalité des 2 jeunes hommes. Qui était Vincent Don? C'était une personne un peu particulière. Vincent Don avait le sens de l'aventure très développé, ne tenait pas en place, ne concevait pas la vie un peu comme tout le monde. Et son rêve, c'était à son tour d'aller en Himalaya, je pense. Il pensait aller un jour en Himalaya, il l'espérait plutôt. Vous connaissiez Henri, le Belge? Oui, j'ai grimpé avec lui aux Ardennes. Il s'est révélé extrêmement doué immédiatement, et puis, comme c'était une personne très robuste, il a commencé à faire de la montagne et a très bien réussi immédiatement. Vous deviez partir avec lui. Oui, nous avions mis cette course au point. Et puis, vraiment, j'ai estimé que les risques étaient trop grands. Une aventure trop risquée. C'est aussi l'avis de nombreux habitants de la vallée qui considèrent que les 2 jeunes alpinistes se sont montrés imprudents. Face aux journalistes, de nombreux guides de montagne affirment qu'ils ne veulent pas risquer leur vie pour aller chercher ces 2 trompe-la-mort, comme ils disent, des personnes qui arrivent ici, je les cite, prêtes à tout, n'écoutant pas nos conseils, mais qui comptent sur nous pour les sortir d'un mauvais pas. D'autres guides ajoutent, la montagne est trop dangereuse à cette saison. Pourquoi prendrions-nous des risques, nous, hein? Qui s'occupera de nos familles si c'est nous qui devions laisser nos vies? Et enfin, qui va nous rembourser les journées de travail perdues consacrées à ce sauvetage? À Chamonix, les jours passent. Et la famille de la montagne, d'ordinaire si unie, se déchire en public autour de cette affaire Vincent Don Henri. Et surtout, tout le monde ici semble totalement dépassé par la situation. Alors que les esprits s'échauffent en ville, au même moment, de l'autre côté des Alpes, sur le versant italien, on apprend que le célèbre guide Walter Bonatti, lui aussi, s'est retrouvé en difficulté et qu'il a dû être récupéré par les sauveteurs de Courmayeur. Épuisé par son ascension, il donne toutefois une information de taille. Sa cordée a bien été en contact avec celle des 2 jeunes Français jusqu'au 25 décembre, date à laquelle il explique que la météo s'est subitement dégradée et que les Français ont disparu derrière lui dans le brouillard. Pour beaucoup, c'est la preuve que Jean et Vincent sont sûrement vivants. En début d'après-midi, grâce à une amélioration de la météo, on tente une nouvelle opération de survol. Grâce aux informations de localisation données par les différents observateurs, un appareil décolle du Fayet et se dirige vers les sommets. Un quart d'heure plus tard, à proximité d'un endroit dangereux qu'on appelle la Combe Maudite, les pilotes découvrent 2 hommes dans la neige qu'ils identifient rapidement grâce à leur matériel. Ici Paul Blanc qui vous parle de Grenoble. On est sûr ce soir à Chamonix que 2 des alpinistes en perdition depuis 3 jours dans le massif du Mont Blanc sont vivants. Le célèbre pilote Guiron, parti de l'aérodrome du Fayet ce matin à 11h30, réussit vers 13h30 à approcher les deux hommes qu'il crut reconnaître comme étant le Parisien Vincent Don et son camarade bruxellois François Henry. Vers 11h ce matin, de la gare intermédiaire du téléphérique de l'Aiguille du Midi, on apercevait au télescope deux hommes assis dans la neige sur le grand plateau du Mont-Blanc, dans la grande cassure près du passage interdit. La périlleuse mission entreprise par le pilote Guiron, qui descendit d'à près de 20 mètres des deux hommes, permit à l'hélicoptère Sikorsky de la base militaire du Bourget-du-Lac de tenter à 7 reprises différentes d'approcher les deux hommes qui faisaient des signaux. Ils sont vivants, oui. Et ont-ils pu manger, ont-ils pu boire? Et puis, dans quel état physique et moral sont-ils? Pour le savoir, et surtout pour leur permettre de tenir bon le temps qu'une opération de sauvetage en bonne et due forme devienne les sauver, l'hélicoptère redécolle en milieu d'après-midi avec à son bord des paquetages de vivres, des médicaments, des sacs de couchage, des couvertures, une tente, des thermos de boissons chaudes. Et puis un message pour dire aux deux jeunes alpinistes de remonter 200 mètres plus haut vers une portion de montagne plus stable qu'on appelle Grand Plateau, le seul endroit où l'on pourrait tenter, éventuellement, de poser l'hélicoptère. Si en haut, la situation s'améliore, car les deux alpinistes sont repérés et en vie, en bas, en revanche, dans la vallée, tout se complique un peu plus d'heure en heure. Louis Pirali, le président de la compagnie des guides de Saint-Gervais, l'homme qui supervise pour le moment les opérations d'assistance, doit faire face à un défi de taille. Il n'a pour le moment trouvé aucun sauveteur disponible. Faute de volontaires, la journée passe ainsi, et malgré le beau temps, les opérations de secours demeurent au point mort. De son côté, Claude Dufour-Montel, l'ami des deux jeunes hommes, celui qui avait averti de leur disparition, est revenu à Chamonix après l'échec de sa tentative d'ascension. Échaudé par la passivité des opérations de sauvetage, il propose de monter dans l'hélicoptère et de partir avec tous ceux qui seront volontaires, là, dans l'heure. Mais on lui fait clairement comprendre qu'on n'a pas besoin de lui. Et de son côté, la presse s'interroge. Paris vous parle, édition Paris Inter. Allô, ici la gendarmerie de Chamonix. Bonsoir monsieur, c'est la radiodiffusion française à l'appareil. Oui monsieur. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques renseignements sur ce que vous pouvez faire pour essayer de sauver Vincent Don et Henri? Oui. Vous pensez que demain peut-être, si les cordées de volontaires ont reçu l'autorisation de se mettre en route, on pourra tenter également une opération par le bas? C'est-à-dire à pied? À pied, oui. Ce serait très, très difficile. Très difficile même? Très difficile par le bas. Pour le moment, j'ai l'impression qu'au point de vue enneigement et conditions de marche en haute montagne, c'est très difficile et très risqué. En somme, il n'y a qu'une opération possible actuellement, c'est l'opération par hélicoptère. Absolument, oui, monsieur. Et vous pensez que demain, ce sera possible? Ben, dans les conditions, si le temps reste demain comme il l'est ce soir, c'est relativement beau en altitude. Samedi 29 décembre, après 3 jours de tergiversation, c'est finalement le commandant Le Gall, le chef de l'école militaire de haute montagne, qui prend le contrôle des opérations. Il abandonne d'emblée toute idée de caravane terrestre et met en place un plan qui se veut réaliste et pragmatique. Dans les grandes lignes, il lui faut 7 heures de beau temps et 2 hélicoptères pour déposer là-haut près des 2 naufragés une 10aine d'élèves instructeurs et procéder à leur récupération. Si le commandant Le Gall a l'avantage d'avoir déjà des hommes sous la main et très rapidement, ainsi que 2 hélicos prêts à décoller, il lui reste à gérer un facteur qu'il ne maîtrise pas, bien sûr, la météo. Car au-dessus des Alpes, ce jour-là, les nuages semblent s'être durablement installés, la neige, elle, recommence à tomber. Impossible de décoller, encore une journée perdue. Ce soir-là, alors que les habitants du village de Chamonix s'endorment au chaud sous leur couverture, à seulement 10 km à vol d'oiseau du centre-ville, bloqués à plus de 4000 mètres, Jean-Vincent Don et François-Henri sont toujours vivants et ils s'apprêtent à passer leur 7e nuit là-haut, dans un froid inhumain, avec un vent infernal qui glace le sang. Seuls, en perdition, s'en sortiront-ils? Après que les poètes ont disparu, chanson courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent gais, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Chamonix, la gendarmerie. Oui, c'est la gendarmerie de Chamonix, à quel honneur? Ah oui, bonjour monsieur, ici la RTF, la radiodiffusion télévision française. Oui. Je voudrais, monsieur, avoir, si possible, des nouvelles de la cordée qui est allée au secours des alpinistes et qui est conduite par Lionel Théré. Oui, oui, entendu. Mais écoutez, nous n'avons guère de nouvelles aujourd'hui. Oui. Ce matin, le temps s'est bouché. Oui. Et il a neigé sur Chamonix. Oui. Toutes les tentatives par hélicoptère sont demeurées vaines. L'hélicoptère ce matin est bien monté et a essayé de s'approcher du lieu où étaient les deux alpinistes. Oui. Mais ils n'ont pas réussi, ils sont redescendus. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche en ce moment? Comment? Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Écoutez, ce soir, le temps s'est découvert et le froid revient. Alors donc, pour ce soir, il n'y a guère de chance. Oui. Et est-ce que les alpinistes auxquels on porte secours peuvent tenir longtemps encore, selon vous? Bien, écoutez, hier, on a réussi à leur jeter par hélicoptère assez de matériel. Alors on espère qu'ils pourront au moins tenir jusqu'à demain. Oui. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie de ces renseignements. Nous vous appellerons demain pour avoir des nouvelles. Entendu, monsieur. Merci beaucoup. Votre service. Au revoir, monsieur. Lundi 31 décembre, Jean Vincendon et François Henri sont toujours là-haut, quelque part, bloqués en pleine montagne. Depuis deux jours, la météo rend impossible l'opération aérienne du commandant Le Gall. Dans ses bureaux de l'école militaire de haute montagne, celui-ci fait le point sur les moyens à sa disposition. L'armée lui a envoyé un puissant appareil, un Sikorsky 58, une machine qui développe un peu plus de 1600 chevaux et qu'on surnomme, à cause de sa taille, le mammouth. Certes, l'appareil n'a pas été conçu ni testé pour se poser sur la neige, mais on estime que grâce à sa puissance, il pourra résister aux courants ascendants. De toute façon, le commandant Le Gall n'a pas le choix. Pas question de mobiliser les précieuses alouettes, ces hélicoptères à turbine, beaucoup plus adaptés à ce genre d'opération, mais non disponibles. Le Gall le sait, il faudra faire avec les moyens du bord. De son côté, le célèbre guide et alpiniste Lionel Théré, qui avait décidé de partir avec plusieurs hommes par les voies terrestres, a dû rebrousser chemin. Ce lundi 31 décembre, après deux jours d'attente depuis la découverte des deux jeunes alpinistes, les heures passent et la tension monte. La presse harcèle le commandant Le Gall pour savoir quand il enverra ses hélicos. Et enfin, vers 12h45, le ciel se dégage. L'énorme hélicoptère s'arrache alors du sol, suivi par un second du même type. Les deux appareils grimpent en altitude et foncent vers la zone du grand plateau. À la lunette, depuis le poste d'observation du Brève-Vent, on suit leur progression. En bas, les parents des deux jeunes alpinistes attendent. Ils savent que tout se joue maintenant. Après une première approche, l'hélico tente de se poser, mais il va trop vite. Présents à l'arrière de l'appareil, les deux sauveteurs, Honoré Bonnet et Charles Germain, sont violemment secoués. Ce second racontera cette scène plus tard. Le temps était beau, l'hélicoptère avait pu décoller du Fayet, et on avait monté une opération qui devait aboutir au sauvetage des deux accidentés. L'hélicoptère est monté pour se poser au dôme. Voyant les accidentés dans la neige, le pilote a décidé de se poser à côté et ramasser les accidentés, et le sauvetage devait être assuré. Et on a dit il va se poser. Et à ce moment-là, il y avait énormément de neige poudreuse. Et un tourbillon énorme de neige poudreuse a enveloppé l'hélicoptère, voyez-vous. Et je crois que c'est à ce moment-là que le pilote a dû perdre le contrôle. Parce qu'à ce moment-là, on a été directement se planter contre la paroi. Alors, on a piqué contre la paroi. Évidemment, nous étions à l'intérieur avec Bonnet. On a fait 2-3 sauts périlleux par-dedans, évidemment. Et l'hélicoptère, ensuite, il s'est couché sur le côté. Il s'est crashé dans la combe maudite, hurle l'observateur. Après quelques minutes, une fois la neige retombée, on distingue enfin son équipage qui vient de s'extirper de la carcasse. Les quatre hommes sont indemnes. Mais dans la vallée, c'est l'effroi. L'opération de sauvetage a tourné au drame et ils ne sont plus désormais 2, mais 6 en perdition sur le grand plateau. En urgence, le second hélicoptère se pose au dôme du Gouttet. Les sauveteurs en descendent et balisent 2 itinéraires. Un jusqu'à l'épave, l'autre jusqu'au refuge Vallot. En toute hâte, les deux guides présents dans l'appareil qui s'est crashé décident de porter les naufragés Vincent Don et Henri et de les installer dans l'épave. Puis de conduire les deux pilotes jusqu'au refuge du Vallot, situé 300 mètres plus haut. Leur plan consiste à mettre les pilotes à l'abri, puis redescendre chercher les deux jeunes. Mais le chemin est rendu beaucoup plus difficile que prévu par l'impressionnante quantité de neige. Pire, l'un des pilotes, l'adjudant Blanc, tombe dans une crevasse. Honoré Bonnet a toutes les peines du monde à le remonter. On l'installe à côté des naufragés dans la carcasse de l'hélicoptère. En bas, les heures passent, la nuit tombe, le désarroi est total. Le lendemain, 1er janvier, Chamonix vit dans l'angoisse. 6 hommes sont désormais en perdition et ont passé une nuit sur le Mont Blanc. Les informations filtrent au compte-goutte jusqu'à cette première déclaration du commandant Le Gall en milieu de journée. Les sauveteurs sont sauvés. Actuellement, j'ai 6 moniteurs de l'école qui sont actuellement à l'observatoire Vallot avec les deux pilotes accidentés qui nous ont remontés du lieu d'accident à l'observatoire dans le courant de la nuit. Et une cordée est arrivée d'ailleurs à 1h30 du matin et l'autre cordée n'est arrivée qu'à 9h ce matin. Maintenant, la situation ne pourra évoluer qu'en fonction des conditions atmosphériques. Je pense que nous pourrons continuer notre opération dans les meilleures conditions si le temps le permet. C'est terminé. Installés dans le refuge Vallot, les 4 hommes d'équipage de l'hélicoptère accidenté sont pris en charge par une deuxième équipe. Le pilote, tombé dans la crevasse, lui est dans un état sérieux. Quant aux 3 autres, ils souffrent de gelures et d'épuisement. Et Jean-Vincent Don et François-Henri sont toujours seuls, là-haut, abandonnés dans la carlingue épave de l'hélicoptère. Installés sous des couvertures données par les sauveteurs, ils s'apprêtent à passer une nouvelle nuit par moins 30 degrés. À la radio, le colonel Nollet, l'un des responsables de l'opération de sauvetage, se montre très réservé sur leur situation. Les hommes du Vallot, monsieur, n'ont pas pu entrer en contact avec eux cet après-midi. Cet après-midi, de toute la journée, il n'y a eu aucun contact avec eux. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'il leur reste dans cette 13e nuit une chance? Allô? Est-ce qu'il leur reste une chance au cours de cette après-midi? Il restera une chance s'il pouvait faire beau pendant au moins 2 jours. Au moins 2 jours par le bas, mais par le haut, avec un vol d'hélicoptère. Avec hélicoptère, il faudrait une journée de beau temps. On avait signalé qu'ils avaient les membres gelés. Oui. Dans ces conditions, il doit leur être difficile de s'alimenter. Il y en a un qui ne pouvait déjà plus s'alimenter l'autre jour, mais il pouvait être alimenté par son camarade. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir tenir, monsieur? Je ne sais pas. Il faut attendre le 3 janvier, soit un peu plus de 48 heures après le crash de l'hélicoptère de secours, pour qu'enfin de nouveaux appareils décollent de Chamonix. L'opération menée par le commandant Le Gall, sous le regard du secrétaire d'État aux forces armées dépêchées en urgence à Chamonix, doit se dérouler en plusieurs phases. D'abord, récupérer les sauveteurs et l'équipage accidenté au refuge du Vallot, puis déposer au dôme du Goûter une trentaine d'hommes pour aller récupérer et délivrer une bonne fois pour toutes Vincent Don et Henri. Face à la débandade de l'opération de sauvetage et à l'émoi que cette histoire suscite dans l'opinion, l'armée a enfin mis à disposition des hélicoptères de type Alouette, tant réclamés par le commandant Le Gall. À 9h, un premier convoi décolle. Les appareils reviennent se poser 1h30 plus tard sur la patinoire de Chamonix, transformée pour l'occasion en piste d'atterrissage. On débarque en urgence l'équipage de l'appareil accidenté ainsi que la seconde équipe de sauveteurs. Le soulagement se lit alors sur les visages. La foule, qui s'est rassemblée en nombre, applaudit. Pourtant, sur les brancards, on ne voit ni Jean-Vincent Don, ni François-Henri, eux qu'on a promis de sauver depuis des jours. Où sont-ils? Il y a 4 hélicoptères prêts à décoller, 30 hommes prêts à intervenir pour aller les chercher, mais les minutes passent et le commandant Le Gall ne donne aucun ordre. Au contraire, les militaires commencent à remballer leur matériel et se préparent à partir. Car en coulisses, Le Gall a pris une décision dramatique, mais en accord avec le père de François-Henri. Incroyable! On abandonne les deux jeunes alpinistes à leur sort, là-haut, dans la carcasse de l'hélicoptère accidenté. Car les spécialistes ne se font plus d'illusions sur l'état dans lequel se trouvent les naufragés. Après une dizaine de nuits à plus de 4000 mètres d'altitude par moins 30 degrés, on ne peut plus rien faire. D'ailleurs, d'après les sauveteurs de l'hélicoptère accidenté, Jean-Vincent Don n'a sans doute jamais rouvert les yeux après leur départ pour le refuge Vallot. Quant à François-Henri, il avait perdu ses gants. Imaginez, ses bras et ses jambes étaient durs comme de la pierre. Autrement dit, même vivant, il aurait fallu l'amputer des 4 membres. Perspective que son père refuse. Reste à l'annoncer à la famille Vincent Don et au pays tout entier. Oui, avouez qu'après presque 2 semaines d'efforts, d'une opération de sauvetage manquée, Jean-Vincent Don, 24 ans, et son ami François-Henri, 22 ans, dont le sort et l'aventure ont ému la France, ne reviendront jamais. Jamais vivants, en tout cas. Alors, le commandant Le Gall prend place à bord d'un hélicoptère pour un dernier survol. À son retour, il explique n'avoir vu aucun signe de vie dans la carcasse de l'hélicoptère et il annonce la fin des opérations de sauvetage. Les parents de Jean-Vincent Don, qui ne savaient rien de cette décision, fondent en larmes et crient leur colère, car cette fois, ils le savent, ils ne reverront jamais leur fils. Quelques heures plus tard, le journaliste de la RTF, Roger Couder, prend place à bord d'un petit avion et signe en direct à la radio l'épilogue de cette journée dramatique sur le Mont Blanc. Nous descendons lentement. Le soleil illumine juste le sommet du Mont Blanc. C'est un spectacle absolument extraordinaire, grandiose. Nous perçons maintenant un nuage. Nous allons arriver au-dessus de l'épave. Voyez, nous l'apercevons. J'aperçois l'épave exactement sous moi. Une traînée noire, une sorte de ferraille noire qui sort d'une masse blanche, et sous cercueil de fer et de neige reposent Vincent Don et Henri. J'enlève mon casque maintenant. Nous sommes plus qu'à 100 mètres au-dessus de l'épave. Et pour la radiodiffusion télévision française et pour tous nos amis, j'ai enlevé mon casque et je salue Henri et Vincent Don qui sont morts dans la carlingue de l'hélicoptère. Adieu Vincent Don. Adieu Henri. Falling out easy, God. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Vincent Don-Henri avec notre invité Yves Balut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain et historien de la montagne. Alors, vous avez mené une enquête sur l'histoire que nous venons de raconter. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Naufrage au Mont Blanc » qui va être réédité chez Guérin, c'est ça, au printemps prochain hein. Il va avoir une édition illustrée, parce que la première édition qui date d'il y a 20 ans, à l'époque où Madame Vincent Don était encore en vie, j'ai pas souhaité l'illustrer parce que c'était trop dur déjà pour elle. Et maintenant, c'est différent. Et donc l'édition Guérin va poursuivre, donc, avec cette fois-ci une édition illustrée. Alors, cette histoire que nous venons de raconter, c'est la neige en deuil, comme l'aurait fait Henri Troyat, à ceci près que là, c'est vrai. C'est une histoire vraie. C'est ça qui est saisissant. Parce que même dans un roman, on n'aurait pas osé raconter une histoire avec un scénario aussi terrible. Quoi. Ben, je me faisais cette réflexion en vous écoutant. C'est tellement bien raconté qu'on on douterait. Mais tout cela est absolument vrai. Et je me souviens du reste du commentaire d'Honoré Bonnet, qui avait encore les larmes aux yeux en m'en parlant, et me disait... Mais le sort s'est foutu de leur gueule à ces deux pauvres gars, d'un bout à l'autre. Parce que à chaque fois, ça tombe du mauvais côté. Chaque fois, les événements se passaient à chaque fois mal. C'est pas jamais bien. Et donc jusqu'à l'épilogue tragique. Comment décririez-vous, vous qui connaissez si bien la montagne, ce lieu dit de la combe maudite, hein, là où étaient repérés Vincent Don et Henri? Alors, en cet hiver 56, bah, il se trouve que c'est un hiver où il neige beaucoup. Hein, c'était pas le cas l'an dernier, par exemple. C'est ça, c'est le sort. Hein, on n'y peut rien, c'est la météo, c'est comme ça. Donc il neige beaucoup, c'est un hiver très dur. Et c'est quoi cette combe maudite alors? Mais même quand il neige pas beaucoup, c'est pas un endroit où on doit passer. Vous savez, on a mis 40 ans ou 45 ans pour trouver le chemin entre 1760 et 1786, pour trouver le chemin pour monter au sommet du Mont-Blanc. Il fallait trouver l'itinéraire. Et le bon itinéraire, effectivement, il passe à l'époque par les Grands Mulets, etc. Et là, dans cette aventure-là, ce qu'il fallait, c'était monter au sommet de l'éperon de la Brinve, ce qu'ils ont fait. Oui. Et ensuite, ce qui était prévu, du reste, aller jusqu'au sommet du Mont-Blanc et redescendre par le refuge Valot. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés fatigués, trop fatigués, et qu'ils ont cédé à la tentation de descendre directement sur Chamonix, en arrivant au sommet de la Brinve, plutôt que de monter jusqu'au sommet du Mont-Blanc, comme l'ont fait Bonatti et son compagnon Gazer. Or, cette descente-là, c'est très très compliqué, parce que c'est l'endroit où les glaciers sont tourmentés, se morcellent, se créent des crevasses, des séracs, etc. Et donc c'est un itinéraire, un vrai dédale, et on trouve pas son chemin là-dedans. Alors, quand on est très fatigué, voire épuisé, à un moment donné, on ne peut plus contourner les crevasses, remonter, redescendre, chercher son chemin. À un moment donné, ils sont arrêtés en disant « on ne peut plus ». Ils étaient au bord d'un espèce de précipice, ils ne pouvaient plus descendre et ils ne pouvaient plus remonter. Alors, ce que vous dites, l'erreur n'a pas été forcément de faire cette ascension du Mont-Blanc à ce moment-là, même si c'était effectivement très risqué. L'erreur, elle était plus tard. Non. Quand vous dites qu'ils auraient dû redescendre par là, ils ne l'ont pas fait. Oui. Mais y aller sur le sommet du Mont-Blanc en cet hiver 56, est-ce que c'était pour vous quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Non, ce n'est pas une erreur, puisque ça avait été fait l'année précédente par Jean Cousy et André Vialat, et ça a été fait la semaine précédente par Dufour-Mantel, avec son compagnon à Cazeneuve. Donc ça avait été fait une semaine auparavant. Sauf que l'erreur, c'est une erreur de conception. Dufour-Mantel et Cazeneuve se sont dit, on y va très léger, et s'il y a le moins de problèmes, on fait demi-tour rapidement et on revient. Eux, ils ont pris l'option différente, l'option himalayenne. On y va avec tout l'équipement, avec des vivres, avec une tente, avec de quoi faire la cuisine, etc. Et comme s'il y a quoi que ce soit, eh bien, on se met sous la tente, on peut attendre 2, 3, 4, 5 jours. La première erreur, c'était que c'était très lourd. Ils se sont donc épuisés, ne serait-ce qu'en traversant la vallée blanche. Et ils avaient la neige jusqu'au nombril, et ça a été très très long et fatigant. La deuxième erreur, encore plus dramatique, c'est que au moment où ils ont eu besoin de ce matériel, ils avaient déjà les doigts gelés, ils n'ont pas pu ouvrir leur sac. Donc tout ce matériel était inutile, ils l'ont transporté sur leur dos pour rien. Et c'était quoi leur but? Alors évidemment, il y a chez tous les explorateurs ce qu'on appelle, et c'est bien d'ailleurs, la beauté de l'inutile, c'est-à-dire faire un exploit. Ouais. Mais ils voulaient préparer autre chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement réussir? Il y a plusieurs choses. Vous savez, à l'époque, et encore maintenant, mais à l'époque, il y avait une espèce de compétition entre les alpinistes pour essayer de faire un peu mieux, un peu plus que les autres. Puis il y avait aussi l'Annapurna, 6 ans auparavant, 1950. L'Annapurna, Maurice Herzog, Lionel Terray, et qui a été un coup de projecteur fantastique sur l'alpinisme, et qui a aussi généré beaucoup d'argent. Et cet argent, c'était un espèce de trésor de guerre qui a permis de financer d'autres expéditions, notamment celle de Lionel Terray. Alors, il y avait une compétition pour être sélectionné, pour faire partie des expéditions nationales. Et donc, pour être sélectionné, il fallait faire un exploit, et si possible, dans une ascension qui ressemblait un peu à l'Himalaya, c'est-à-dire une ascension en hiver, une ascension difficile, une ascension de neige et de glace, c'était le cas de la Brinve en hiver. Alors ils ont croisé le chemin de Walter Bonatti. Alors Walter Bonatti, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est italien, alpiniste, le célébrissime Walter Bonatti, qui était à l'époque déjà considéré comme le plus grand alpiniste de l'histoire quasiment, ouais. Et qui avait à son actif de très grandes premières, notamment le fameux pilier sud-ouest des Drues, etc. Donc il croise son chemin. Est-ce que c'est positif ou pas? Alors, ce qui se passe, c'est que Vincent de Henry, qui était monté au refuge de la Fourche, le petit refuge à partir duquel on commence l'ascension de la Brinve, redescendait parce que Vincent Dron avait le moral un petit peu fragile et il avait trouvé qu'il y avait un peu des nuages et s'était dit « Oh non, finalement, on va revenir ». Et là, en redescendant, il croise Bonatti avec un Silvano Gazer, son compagnon. Et là, ils se disent d'abord « Si Bonatti y va, c'est qu'on peut y aller ». Et puis surtout, là, je voudrais dire un mot sur la psychologie de cette cordée. Dans la cordée Vincent de Henry, Vincent Dron, c'était un jeune titi parisien, un peu fort en gueule, aspirant guide, François Henry, un grand gaillard, costaud, avec un cœur gros comme ça, et qui avait une admiration sans bande pour Jean-Vincent Dron. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu Bonatti? Ses yeux se sont mis à papilloter et il avait évidemment une admiration sans bande pour Bonatti. C'est un peu agacé Vincent Dron. Et quand ils ont réussi difficilement à arriver jusqu'au sommet de l'éperon de la Brinve, ils étaient déjà en perdition à ce moment-là, Bonatti est redescendu pour les aider à franchir les dernières difficultés de cet éperon. Il leur a passé une corde, il les a aidés avec sa corde, et après ça, il ne restait plus qu'à marcher 400 mètres, marcher jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Et là, c'était difficile parce que Vincent Dron était fatigué, et sur Vincent Dron, en plus, on avait marre de se faire engueuler par Bonatti, qui disait « Allez, dépêchez-vous, c'est dangereux, etc. » Il a fini par dire « Allez, c'est bon, on y va de notre côté, et on se décorde. » Aïe. Et à ce moment-là, ils se sont décordés, c'était fatal, et c'est à partir de là qu'au lieu de faire comme prévu, d'aller au sommet du Mont-Blanc, ils ont décidé de descendre directement sur Chamonix, c'était fatal. Alors, on va en arriver maintenant au côté polémique de cette affaire. On va parler des secours, de l'organisation des secours et de la volonté, ou non précisément, des secours. Alors, on l'a dit, ils sont très vite les militaires de l'école Haute-Montagne et le commandant Le Gall qui prennent les opérations en main et on privilégie une seule solution, c'est l'hélicoptère. On se dit, les voies terrestres, il n'en est pas question. Alors qu'au même moment, plusieurs personnes, dont l'alpiniste Lionel Terray, souhaitent partir à pied les chercher sur ce point. On va écouter ensemble une archive justement de Lionel Terray qui se montre très critique sur les choix qui ont été faits dans une interview qu'il a donné à l'époque au Dauphiné libéré. J'admets très volontiers que Vincent Dron et Henri se sont volontairement exposés à des risques considérables. Et je trouve normal que beaucoup de guides n'aient manifesté aucun enthousiasme à exposer leur vie pour se porter au secours de jeunes gens aussi téméraires. Mais ce que je n'admets pas, c'est que l'on cherche à empêcher les volontaires d'agir et que si l'on décide des opérations de secours, on les mène avec incohérence, que l'on accumule faute sur faute. À la demande des parents et des camarades des deux alpinistes, j'ai essayé le 29 de mettre sur pied une caravane de secours opérant par beau temps. Les responsables de l'opération de sauvetage ont opposé un net refus. Leurs arguments étaient qu'il était follement dangereux de vouloir rejoindre le Grand Plateau en hiver autrement que par la voie aérienne. Est-ce que vous partagez cette option, Yves Baluc? Est ferme, on dit vraiment par les voies aériennes, non, c'est que l'hélicoptère. Est-ce que c'était une erreur? Non, effectivement. Alors, le choix de l'hélicoptère, c'était une bonne idée parce que en plus, c'était très très très nouvelle. On n'avait encore jamais fait de sauvetage d'hélicoptère, sauf un petit sauvetage 2 ans auparavant sur la mer de glace. Mais enfin, vraiment, jamais un vrai sauvetage à l'hélicoptère. C'est une très bonne idée. La mauvaise idée, c'est de dire on ne fait que cela parce qu'il fallait conjuguer les deux. c'est-à-dire essayer en même temps de partir, parce que de partir en voie terrestre et par l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère c'est très rapide, c'est très rapide à condition de pouvoir se poser près des naufragés, alors que c'est pas si simple que ça, parce que les Sikorsky étaient des très gros hélicoptères, mais qui avaient des moteurs à piston. Alors les moteurs à piston sont pénalisés par l'altitude. En haute altitude, ils ont du mal, et 4000 mètres, c'est vraiment un peu la limite. Ça explique l'accident. Donc il fallait prévoir aussi une cordée terrestre qui, elle, peut, même par mauvais temps, progresser. Et donc il fallait faire les deux. Or, on a opposé, c'est vrai, ce drame de Vincent de Henry, c'est que on s'est opposé sur tous les plans. Les guides aux alpinistes, les militaires, militaires pilotes aux militaires terrestres. Les amateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les alpinistes amateurs aux guides, etc. Jamais personne ne se mit d'accord, alors que, à l'évidence, si dès le départ, tout le monde s'était mis autour d'une table en disant on va mettre tous les moyens dont on dispose, aériens et terrestres, pour essayer de les sauver, on les aurait évidemment sauvés. Et pourquoi on n'est pas d'Alouette disponible? Ils étaient sur un autre théâtre d'opération en 1956. Pas du tout. Non. Les Alouettes, quand il s'est agi de sauver les sauveteurs, elles sont venues immédiatement. Oui, mais pas au début. Non, parce que c'était pas les sauveteurs. C'était des jeunes alpinistes qui avaient, pour s'amuser, enfin pour eux-mêmes, risqué leur vie. Oui. Et à ce moment-là, alors les hélicoptères de Bourget-du-Lac, c'est une centaine de kilomètres de Chamonix, c'est pas très compliqué. Les Alouettes, c'était plus loin, c'était Toulouse. On les a fait venir pour sauver les sauveteurs, avec notamment Jean Boulet, qui était le pilote d'essai, et qui m'a raconté, du reste, Jean Boulet, pourquoi était pilote d'essai des Alouettes? Parce qu'il était polytechnicien, donc il y avait le niveau d'études qu'il fallait, mais aussi parce qu'il était très léger. Il fallait un pilote léger. C'est lui qui était pilote d'essai des Alouettes, et qui a très facilement été cherché au refuge Valou, les sauveteurs. Et évidemment, si on a vu les Alouettes depuis le début, et si on n'avait pas une conception, la conception du commandant Le Gall, qui avait fait le Vietnam, et qui avait dit, c'est comme au Vietnam, quand on va chercher des hommes dans les lignes ennemies, il faut aller les chercher et revenir tout de suite. Donc, pour les alpinistes, il fallait une journée de beau temps, ce qui n'était pas question de laisser des sauveteurs auprès des alpinistes, et de revenir les chercher plus tard. Il fallait aller se poser, les redescendre tout de suite. Et malheureusement, il n'a pas eu le beau temps qu'il attendait. Alors, cet accident a conduit l'armée à envoyer, enfin, sur place, on le dit, des moyens adaptés et conséquents. Ça n'a pas profité à Vincent Don et Henri. Alors qu'on a délibérément choisi de laisser là-haut, en montagne, c'est très choquant. Et en même temps, on n'est pas là pour juger d'abord. C'est peut-être difficile de juger. Parce que l'argument qui dit, mais... de toute façon, il faudra les amputer. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, évidemment, c'est très compliqué. C'est la vraie question de cette affaire, quand même. Très la question compliqué de juger, surtout d'abord quand on n'est pas sur place, et surtout après coup. Je m'en suis bien gardé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que des décisions ont été prises, des décisions graves ont été prises entre le commandant Le Gall et le monsieur Henri, le père de François. Absolument. Parce que le père de François était quelqu'un qui avait un poste important en Belgique, qui était un monsieur qui connaissait la montagne, et quand on voit les photos de l'époque, on le voit déambuler à Chamonix en tenue d'alpiniste. Et on voit les parents de Vincent Don complètement décalés, Madame Vincent Don avec son sac à main, son foulard, ses chaussures de ville, Monsieur Vincent Don avec son béret, perdu, complètement perdu. Alors qu'est-ce qui se passait? Eh bien, à l'école de haute montagne, Monsieur Henri était dans le bureau du commandant Le Gall. Il prenait des décisions, c'est notamment lui qui a dit au commandant Le Gall, je ne veux pas récupérer un fils avec des bras, des jambes amputés, donc on arrête. Et pendant ce temps-là, monsieur et madame Vincent Don étaient dans le couloir à attendre. Et si vous voulez... C'est terrible ça quand c'est même. C'est ça qui est terrible. Et moi je ne porte pas de jugement, je dis simplement que ces décisions-là, des décisions dramatiques, ont été prises, là encore dans des conditions qui sont difficiles à comprendre maintenant. Bien sûr. Donc ces deux jeunes hommes sont morts. En 1956, au premier jour de 57, et le 20 mars 57, on procède à la récupération des corps. Présent sur place, le reporter de la RTF, Jean-Marie Poncetti, a assisté à cette scène, et il la raconte, écoutez. Allô, midi. Ici Chamonix RTF. Je vous parle de la patinoire de Chamonix, transformée en PC radio et en aérodrome sur lequel sont basés les deux hélicoptères Alouette qui participent au sauvetage. La caravane est arrivée à l'épave à 6 heures. Elle a défoncé la carlingue. Elle a mis 3 quarts d'heure de travail pour dégager les corps. La caravane a quitté rapidement l'épave car il faisait extrêmement froid et qu'un vent fort atteignant 70 km/h, soufflait. L'hélicoptère était au-dessus de nous. Il descend très lentement à la verticale. Il se pose. Monsieur et Madame Vincendon s'approchent de l'appareil. Lui, tête nue, en par-dessus gris. Elle, en manteau noir. Tous deux sont très pâles. À présent, on décharge le corps de la cabine vitrée. Les militaires au garde-à-vous saluent. Ils sont maintenant devant les restes de leur fils unique. Les sauveteurs n'ont pu envelopper entièrement le corps du malheureux Vincendon et je vois ses jambes recroquevillées et deux bras raidis, deux mains violettes gonflées qui se tendent vers le ciel et qui sortent des toiles qui enveloppent le reste du corps. Mais non, ça sera les deux. Bien, alors, vous avez remarqué, Yves Balut, tout à l'heure, qu'en introduisant, en lançant cet archive qu'on vient d'entendre, j'ai eu une petite hésitation quand j'ai dit, mais ils sont morts en 56, 57. Bon, on ne sait pas exactement quand ils sont morts, finalement. Ils ne sont pas morts avant le 25 décembre, c'est sûr, puisque le guide italien les a vus. La fin de l'histoire, c'est le 3 janvier. Quand sont-ils morts, exactement? Eh bien, c'est les autorités qui ont décidé de la mort, de la date de leur mort. Et c'est encore, c'est quelque chose qui était imposé aux parents Vincendon qui, je pense, rétrospectivement, auraient souhaité qu'on avance la date de la mort pour penser que leur fils a souffert le moins longtemps. Ce qu'on peut dire, une anecdote, si vous voulez, c'est que quand on les a installés dans la carlingue, après ça, l'adjudant blanc est tombé dans une crevasse, on est revenu allonger l'adjudant blanc à côté de François-Henri et Honoré Bonnet, 40 ans plus tard, qui me racontait cette histoire, avait les larmes qui lui coulaient sur les joues en me disant, mais je me souviens encore, François-Henri, avec ses mains pétrifiées, qui essayait de réchauffer, d'encourager l'adjudant blanc. Et donc on sait qu'à ce moment-là, ils étaient encore vivants. Probablement, Vincendon était quasi mort. Et on en a la confirmation, puisque quand on était chercher les corps trois mois plus tard, on a retrouvé Vincendon allongé à peu près exactement du reste à l'endroit où on l'a déposé. Donc on pense qu'il n'a pas bougé, qu'il est mort peu de temps après. Et on a trouvé François-Henri accroché après la porte de l'hélicoptère, en train d'essayer de sortir. On pense que, après avoir constaté que son combat est mort, il a essayé de sortir pour dire « Je suis encore vivant, venez me chercher ». Yves Balut, une toute dernière question. L'émission est terminée, vous pouvez répondre par oui et par non. Est-ce que c'est à partir de cette affaire-là que les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de créer une structure de secours en montagne moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui? La réponse est absolument oui. Bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Yves Balut. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire Vincendon Henri, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'assassinat du juge Borel à Djibouti.